danger, manque de flouze dans nos têtes. C'est toujours danger, manque de flouze dans nos têtes. C'est toujours danger, manque de flouze dans nos têtes. C'est toujours danger, manque de flouze dans nos têtes. Parce qu'on a vécu le pire, alors on souffre. Parce que les meilleurs nous ont quittés et qu'on vit au bord du gouffre. J'ai mal quand je pense à la misère qui nous touche. Parce que j'ai peur de demain qu'on fasse parler les cartouches. La fin du monde approche, on a perdu trop de proches. Parce que les miens vivent au quotidien, trop de choses approchent. Alors on vit, on souffre, plein de haine, on s'accroche. On veut pas être une victime d'une balle miricoche. Les rimes, je débat sur le beat du métal chrome. Face aux putes, des braqués, bang bang. De où sont partis, c'est pas les tics à danger. On pute, nous on blesse pas. Toujours dans l'excès, t'aspect comme une hyène. T'allier tes points, écartelésés. Elle eut pour baiser la fierté du 3-0-9. D'où je viens, qui je suis. De madame à tête du paix, mais qui croyait nous duper. Les frères savent que Dieu seul peut juger. L'argent est à poil, c'est rock, quasi l'épaule. Pas de bol pour ceux en tort, je fais hoche. Et trop de fois je picole pour oublier les folles. Journée d'effort express, mais chaque des merdes qui veulent couper leur laisse. Sur mon terrain, tu verras quelqu'un d'une autre espèce. Dans le sud-est, un île, ouest, du calme dans les gestes. C'est tout autrement qu'un sang de test. Venez marquer l'époque, fusiller les temps. Personne ne nous stoppe, ceux qui essayent sonnent. On fonce, droit qui t'a grillé les stops. Dans le rétro, quelques faux potes. Quelques hypocrites assis sur un code. Toujours à l'abri des vautours qui rôdent. On joue pas un rôle, j'oublie pas les frères morts. Ou on tend nos mères que l'on console. Les petits qui déconnent, j'ai le poids de la vie sur les épaules. Alors on souffre, parce que les meilleurs nous ont quittés et qu'on fuit au port du cours. J'ai le mal quand je pense à la misère qui nous touche. Parce que j'ai peur de demain qu'on fasse parler les cartouches. Parce que la fin du monde approche, on a perdu trop de proches. Parce que les miens vivent au quotidien, trop de choses approchent. Alors on fuit, on souffre, plein de haine, on s'accroche. On veut pas être victime d'une balle qui ricoche. J'aurais pu te dire, tout est beau, tout est rose. Mais dans l'empire du rap, on se descend à coups de brosse. Blessant physiquement ou moralement, on vit nos nerfs. Mais nique sa mère, y'a pas de collègues que des commerces. J'compatisais quand il me disait qu'il menait des vides. J'ai traumatisé quand j'ai vu que trop d'MC aimait lécher. Pour une place sur les champs, ou une somme alléchante. Alléchante, aspect pour la légende, j'fais péter les champs. Entends la voix des blancs qui retentit, j'intensifie. Si le son des glocks quand c'est tendu, attends. Tu crois que l'on venait en dilettant, mais nous on t'emmerde. Et mon club bust tant qu'il est temps, vu que le temps presse. Après l'orage, j'aurai la tempête. Mais y a tant de trucs dans ma tête à faire en même temps. La tentation du chétan s'étend, ça devient inquiétant. Vu le nombre qui y prêche, j'ai plus le temps de me retourner car mes péchés s'accumulent. Je suis la cible d'état français, les pas purs se cumulent au nom des miens. Change mes rimes comme un putain coup d'état. Je me présente les vrais, frappe la France comme un attentat. Grâce aux miens depuis l'époque, mec, la rue garde sa fierté. Les coups de crosse sur les balances, mec, ça vient de la Z du P. Parce que les murs des maisons d'arrêt qui peut nous arrêter. Rêve de sortir nos frères en cellule que la France a jugé. Sarko est passé, remercie tous ces fils de pute. Tous des racistes et les flics fachos mangent des putes. Sans aucun but dans la vie, j'suis pas ravi. Y'a que les pétards qui s'en sortent de ce ravin. J'suis pas écrivain, non, j'suis pas être devin. Mais que nous réserve la vie, j'veux partir avant la fin. Moi j'ai faim comme les miens, tous les jours je souffre. Pense aux miens tous les jours au bord du fou. On a vécu le pire, alors on souffre. Parce que les meilleurs nous ont quittés et qu'on fuit au bord du coup. J'ai mal quand je pense à la misère qui nous touche. Parce que j'ai peur de demain qu'on fasse parler les cartouches. Parce que la fin du monde approche, on a perdu trop de proches. Parce que les miens vivent au quotidien, trop de choses approchent. Alors on fuit, on souffre, plein de haine, on s'accroche. On veut pas être une victime d'une balle qui ricoche. On a vécu le pire, alors on souffre. Parce que les meilleurs nous ont quittés et qu'on fuit au bord du coup. J'ai mal quand je pense à la misère qui nous touche. Parce que j'ai peur de demain qu'on fasse parler les cartouches. Parce que la fin du monde approche, on a perdu.